Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'était Fou en 2009, édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone de C'était Fou en 2009, notre rétrospective des palmarès et des chansons qui ont le plus joué, qui ont été les plus appréciées des palmarès de C'est Fou cette année, des animateurs de C'est Fou, oui. Hey, ça va très bien. Il va y avoir 25 pièces dans ce palmarès francophone, contrairement au palmarès anglo qui en comptait 50. Si vous avez écouté ça, vous avez sûrement apprécié parce que c'était très très bon. On va voir si c'est la même chose du côté francophone. J'ai regardé un petit peu, j'ai lu mes feuilles un peu. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui se reproduisent, pas entre eux, mais il y a beaucoup de pièces des mêmes groupes dans le top 25. Donc on va entendre plusieurs fois les mêmes. On va commencer avec un premier bloc, tiens, dans lequel il va y avoir la musique du nombre et de Caïman Fou. Mais on commence par la 25e place. Une pièce que j'ai, moi, principalement, t'sais, beaucoup aimé cette année. C'était le numéro 1 pour la semaine du 10 avril. Voici Antoine Graton et 500 000 000. C'était Fou en 2009. Comme toutes les actrices blondes des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand je t'ai demandé si. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. Jusqu'à mon cœur. Et les zombies et les fleurs en 23e position du palmarès francophone pour l'année 2009. Ça a été numéro 1 la semaine du 10 juillet. Ça a été précédé de Caïman Fou avec Amour Poursuite, qui est en 24e. Ça a été numéro 1 la semaine du 9 janvier. Et on a débuté avec Antoine Graton et 500 000 milles. Ça a été numéro 1 la semaine du 10 avril 2009. Vous êtes à C'était Fou en 2009 où on fait une rétrospective de l'année au grand complet du côté francophone aujourd'hui. Dans le prochain bloc, il va y avoir Martin Priorité et Dan Young Cartel. Mais on débute avec un groupe qui est pas mal là souvent dans le top 25 francophone. Voici le Roi Poisson et Croque-Mort en 22e. Savoir que c'est que pour enfin, quand j'en vois, je

s'entraîne et le cœur qui se déchaîne. Les muses ont dans leur vie, oh, et sa fille, tu as trop dormi. Mais c'est l'heure, ah oui, c'est l'heure, es-tu prête pour le bonheur? Ils ont tourné des gosses sous la piste de danse. Ils ont tourné des gosses sous la piste de danse. Ils ont tourné des gosses sous la piste de danse. Yeah. De fou, des courants électriques et des regards psychédéliques. Les gens se meurent, mais s'épanouissent comme des fleurs. Et nous les enflammons, oui, nous les enflammons. Et on crie, Johnny monte le sang. Les ont tourné des gars sur la piste de danse. Les ont tourné des gars sur la piste de danse. Les ont tourné des gars sur la piste de danse. Yeah. Tes priorités, les gars, sur la piste de danse en 20e position francophone pour l'année au grand complet. Ça, ça a été numéro 1 la semaine du 3 avril. Avant, c'était Dan Young et le Cartel avec Compté jusqu'à 3 en 21e. Ça a été numéro 1 la semaine du 22 mai. Et on a débuté le bloc avec le Roi Poisson et Croque-Mort. Ça, ça a été numéro 1 la semaine du 26 juin. Martin Priorité qui vient de jouer. Si vous avez aimé leur style et si vous les trouvez drôles dans leurs pièces, vous avez rien entendu, hein, parce qu'il était en entrevue au Palmarès C'est Fou il y a quelques mois de ça. Et si vous écoutez Assemblage Requis en direct aujourd'hui, tout à l'heure, jeudi, là, entre 15h et 17h, on va vous faire jouer une pièce qu'ils ont jouée dans nos studios. Un beau petit hommage à Marie-Mé. Donc soyez là pour ça si vous écoutez le jeudi. Alors, prochain bloc de ce récapitulatif de l'année 2009 francophone, on va avoir du Colette et du Kevin Thompson, mais on débute avec André en 19e position. Ça a duré 8 semaines sur notre palmarès et ça a été numéro 1 la semaine du 20 mars. Voici les Brigades Rouges. Tout de suite, à C'était Fou en 2009, édition franco. Yeah. sens pas bien, je réalise qu'on veut me dicter ce que je dois faire. On ne veut pas que je m'envole alors qu'on coupe les ailes. Toutes les questions que je me pose s'opposent en prose. Personne ne veut y répondre ou on dit que je m'en fais pour rien. On ne veut pas que je pense alors qu'on me coupe la tête. Ta-da-da, ta-da-da. Pas halluciné sur la LSD. L'immeuble souhaitait que les mensonges sont de la réalité. Des histoires qu'on m'a racontées, qu'on raconte. Des bla, des bla, bla, bla. Histoire historique où l'on m'implique. Religion, injustice raciale. Riches et pauvres se côtoient en deux mondes parallèles. Distincts où l'un est dépourvu de bonheur et l'autre regorge de luxe. Je sais, dans plein de névrose. Mes pensées m'imposent un paradoxe qui ne se termine plus. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Quand j'y pense, changer, présent conjugué ou passé qui fait railler toutes sortes de conneries. Par exemple, Mohamed, Maurice, Jesus, ouais, ben, d'enfant, tous d'une histoire de gaucho, une guide canadienne nordique. Quand Stachy nous avait éliminé, mais moi, tout ce temps-là, je pensais que j'étais squé, je pensais que j'étais squé, je pensais que j'étais squé, je pensais que j'étais squé. Retour, Colette, Jésus Bench 400 livres, André et Standing Walls dans les palmarès C'est fou présente. C'était fou en 2009. Numéro 17. Regarde dans cette neige qui tombe, la regarde en se poser. Sous un coup de vent, je croise des yeux familiers. Regardant cette neige qui se croise d'un regard posé. Sous mes pas chancelles, des histoires oubliées. Regardant cette neige qui danse, passant sous mes pieds. Elle est le vent, se relance sous le vent, ce qui est. Qui se moque des histoires contées. chaque trace laissée. J'ai le cœur lourd de souvenirs congelés. Colette et Blanche-Neige en 17e position francophone pour l'année 2009. Ça a été numéro 1 la semaine du 27 février. Une pièce que moi, je trouve pas mal hivernale. Et j'aime ça, des fois, les pièces hivernales. Avant, c'était Kevin Thompson et Névrose qui a passé 8 semaines dans le palmarès, dont le numéro 1 la semaine du 13 mars. On a débuté avec André et les Brigades Rouges. Et ça a été numéro 1 la semaine du 20 mars. D'ailleurs, André, on va les réentendre un petit peu plus tard, en fait, dans le prochain bloc qui va comprendre aussi du Stalling Waltz. Mais on commence avec un excellent remix d'une pièce de Jésus Bench 400 livres. Voici Bio Bazar et l'Index qui a été numéro 1 la semaine du 13 février. C'est en 16e place pour l'année 2009. Vous êtes à C'était Fou en 2009, édition Franco. Thank you. numéro 15. Nuit à l'aube, nous entre.

Vanderlo et tu sais en 9e position. Ça, ça a duré 9 semaines dans le palmarès de Sifu et ça a été numéro 1 la semaine du 28 août 2009. On a débuté avec Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse. Ça a duré aussi 9 semaines et ça a été numéro 1 la semaine du 14 août. Vous êtes à CTFO en 2009, édition Franco. Kiwan vient d'arriver. Salut Mathieu. Ou vient de revenir d'où il était pour ceux qui écoutent le vendredi soir. Oui, oui, j'étais là tantôt, mais je suis revenu. C'est ça, c'est comme un va-et-vient, un mouvement de va-et-vient intense. Tu connais ça? Ouh. Notre prochaine position est occupée par Yann Perrault, avec le président Danse Autrement. On va sauter par-dessus pour l'instant. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est pas grave, ça va passer. Pas de problème avec ça. C'était numéro 1 la semaine du 19 juin. On va retourner écouter du Chinatown. On les a entendus il y a quelques minutes à peine en 10e, mais ils sont aussi en 7e. On écoute Apprendre à danser. Deux pièces dans le top 10. Ben oui, ouh là là, Chinatown. Wow, hey, c'est pas les seuls, hein, parce que André aussi avait deux pièces. On les a entendus en 15e et en 19e. Et puis j'en vois d'autres déjà qu'on va revoir tantôt. Mimi Van Der Glo, on les a entendus en 9e, mais ils vont être aussi en 5e. C'est beaucoup de production. Tu vends des punchs? Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas dit numéro 1 au moins encore. Je veux dire, c'est, tu peux croire ce que je dis. T'es un gars fiable, un gars correct. T'es pas un poisson. Je le dirais pas à personne. Non. Hey, mais vraiment, André, ils sont forts d'avoir deux pièces dans le top 10. En plus, avec les positions 15 et 19 dans le top 10, ils sont vraiment forts. Ouais. Ah. Donc, okay. On va aller écouter Chinatown en position numéro 7 avec Apprendre à danser. C'était fou en 2009. De mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable vos verres. Garderie pour pervers. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. We'll be right back.

Le numéro 4 de l'année 2009 du côté francophone, c'était Couleur naturelle de la formation Le Nombre. Ça a été numéro 1 la semaine du 16 octobre et ça vient de leur album Ville et Fantastique. Oui, juste avant ça, on avait entendu la cinquième position, en fait, à Mimi Van Der Glo avec leur deuxième pièce qui est dans le top 10, parce qu'on les trouvait aussi en position 9 avec Tu sais, mais on a eu Québec-Canada en cinquième position. Il y en a eu plus que deux, en fait, des pièces dans les palmarès, des pièces de Mimi Van Der Glo au cours de l'année 2009. Année où ils ont sorti d'ailleurs leur premier album complet, leur album Radar. Donc ça a été une grosse année pour eux. On fait quand même pas mal de shows aussi, puis j'ai l'impression que ça va continuer aussi en début d'année 2010. Et d'ailleurs, le 24 décembre, pour fêter Noël, sur leur site MySpace, on annonce un spectacle au bar de danseuse, le Poteau Rose. Mais bon, il n'y a vraiment pas d'informations, donc... Comme j'avais déjà dit, je ne sais pas s'ils sont vraiment en spectacle ou sont plus comme invités en tant que clients. Ils vont juste être là, finalement. Ouais, C'est mystérieux un peu. Ouais. Dans le prochain bloc de C'était fou en 2009, on va entendre Éléphantine, mais on commence avec Ariel en troisième position. Voici Faux Filet. Au 89.fm, c'est fou dans vos oreilles. Yeah. Fantine et une clope, un café, numéro 2 de l'année du côté francophone. Ça a été numéro 1 la semaine du 18 septembre. Et ça, je l'entends encore aujourd'hui plusieurs fois par semaine. C'est un hit, ça. Oui, ça joue beaucoup et c'est vraiment très bon. Et le clip aussi est vraiment très bon. Vous pouvez aller sur Vimeo pour voir ça ou sur le MySpace du groupe Elephantine. Un très, très beau clip pour cette pièce. Une clope, un café. Avec des bandes dessinées de personnages, quelque chose de genre? Ouais, non, c'est ça. C'est comme les vrais membres du groupe, mais qui sont comme dans un décor un peu de bande dessinée, là, des dessins un peu cartoon. Cool. Très beau clip. Ben, je vais faire ça, moi. Juste avant, on avait entendu la position numéro 3. C'était Ariel avec la pièce Faux Filet. Et Ariel, on a passé à peu près toutes les pièces de leur genre de démo EP là, qu'on a reçu, qui avait seulement 6 pièces. Mais le véritable album complet s'en vient. C'est prévu pour avril 2010. Et ils ont annoncé récemment, il y a quelques semaines, que ce premier album-là serait réalisé par Gus Van Gogh, qui a réalisé plusieurs albums de plusieurs artistes comme The Stills ou Les Vulgaires Machins aussi. Donc leur album va être réalisé par Gus Van Gogh et c'est prévu pour avril 2010. Et j'ai regardé la seule pièce qu'on n'a pas jouée dans le palmarès. Dariel, si tu comprends rien, faudrait qu'on l'écoute voir s'il est potentiel pour l'année prochaine. Tant qu'elle est tirée, cet album-là. Ben, tu sais, tant qu'à faire. Hey. Vous êtes toujours à cette fois en 2009, l'édition francophone. Il nous reste seulement le numéro 1. Je vous dis pas c'est qui, là. Mais tu sais, il fait pas pitié, mettons. Il est plutôt enviable, même. Tu sais, je veux dire, il y a pas de maladie de peau, là. Il y a pas de gale, mettons, tu sais. Hein? Wouf wouf! Et en première position. C'était pour créer plus de suspense, le silence qu'il y avait là. C'est comme. Wouf wouf! C'était pas mon chien? Ben oui. Ok. Ça avait l'air d'un dauphin. Hein. Un poisson? Un poisson? Bah! Ah, t'es vraiment le roi des jeux de mots, toi aussi. Hein? Mm. Ah, merci. Merci. ça valait la peine. Les chiens galeux, les chats de gouttière sont merveilleux dans leur misère. Et je suis fou d'eux. Quel drôle. Mais du vivant dans du mourant. Le regard vide, indépendant. Je suis fou de l'ancien vitre. En une fraction de seconde. Ce que je sais, c'est qu'ils se parlent, ils se connaissent et ils sont libres. Je suis fou de leurs yeux vitreux. En une fraction de seconde, ils reflètent une de ces libertés que l'on C'était le grand numéro 1 de l'année 2009 au grand complet du côté francophone. Mais avant de dire le numéro 1, on va faire un récapitulatif du top 5. Commençons par la cinquième position, Mimi Van Der Glow et Québec-Canada. Ensuite, en quatrième, on retrouvait Le Nombre avec la pièce Couleur naturelle. En troisième, c'était Ariel et Faux Filet qui était numéro 1 la semaine du 16 octobre. On a entendu en deuxième Éléphantine avec Une clope, un café. Et en première position, on vient tout juste d'entendre Le Roi Poisson et Chien galeux. Ça a duré 11 semaines dans le palmarès et ça a été numéro 1 la semaine du 2 octobre. Si on regarde un peu le numéro 1, 11 semaines, numéro 2, 3 et 4, 10 semaines. Ensuite, on a 9 semaines pour les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, beaucoup de choses qui ont duré 9, 10, 11 semaines. 9, 10 et 11 semaines. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est une longue période pour une pièce. Pour nous, en tout cas. Oui, dans les palmarès, oui. C'est rare que ça arrive. Du côté anglophone, est-ce que c'est comme ça? Ah, il y a eu des 12 semaines. Wow! Numéro 1 et 2. Incroyable, ça. Bref, des pièces à succès, des pièces qu'on aime, des pièces qu'on va réentendre pour le reste de l'éternité, je pense. C'est assez fou. Ça va continuer de rouler, tout ça. Surtout des bonnes chansons comme du Chinatown et du Éléphantine. C'est indémodable, je pense. Hein? C'est sûr, on les oubliera pas. On va essayer, en tout cas, de pas les oublier et de continuer à les faire jouer. Comme certaines pièces, des fois, qui passent trop vite, puis qu'après ça, on les oublie, mais on va essayer de s'en rappeler. Ouais. Hey, du côté anglophone, Red Jumpsuit Apparatus, comme je te dis, je l'avais oublié. Ça arrive, ça. Hey, on commence tout de suite avec la superbe portion qu'on appelle communément dans le domaine l'extra. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, présente, c'était fou en 2009, et là on est dans la portion l'extra, c'est-à-dire ce qui n'est pas du palmarès normal, on sort des cadres, normalement on irait dans le top 30 des albums, on irait dans le top 3 des disques canadiens, dans le top 10 loud, mais et dans le top 10 électronique aussi. Aujourd'hui, ce qu'on fait de particulier, c'est qu'on a le top de l'année au grand complet du côté de l'électronique, et ça c'est compilé par l'émission Le Vestibule qui est diffusée ici à C'est fou les samedis soirs. Et là, on a évidemment, faut mentionner le fait que ce sont des albums. Ce ne sont pas des pièces, non. Et les albums, en plus, apparaissent en ordre chronologique de parution dans le palmarès du vestibule. Donc, il n'y a pas d'ordre là-dedans. On va passer trois pièces au grand hasard de ce superbe palmarès-là. Le top 3 des albums marquants de l'année 2009 en ce qui a trait à la scène musicale électronique et selon l'humble avis de l'animateur du vestibule, Jean-François Fecteau. On va commencer avec la pièce Airport Surroundings qui vient de l'album Dear John du projet suédois Lonely Deer. Donc c'est vraiment très bon. J'ai pas écouté beaucoup là, des pièces puis des artistes qui ont été dans les top électro, là, mais ça c'est vraiment un très bon groupe que j'ai écouté cette année. Très bon groupe, Lonely Deer. Tout de suite. Dans les palmarès, c'est fou présent! C'était fou en 2009. My skin was cool and my heart sank. And when I said to myself that I would never go down, when I got lost the last time, I wasn't feeling at all. I wasn't feeling at all. I wasn't doing no good. I had a hole in my heart. I had no blood in my ear. Yeah, I was going so low that I was gonna give up. And you were all that I want. Ready this time, I wish I'm feeling no good. I took the easy way out, the last thing I'd wait. When I gave up myself, I bought a ticket to hell. When I met up with you, I wasn't doing no good. I had no work to be done, and the money I earned would have ended up too soon. So I had the time to do wrong, I had the time to go on. I gotta open my head and La pièce Triangle Walks, tirée de l'album Fever Ray Deluxe Edition du projet Fever Ray, qui est le projet solo de Karen Dreyer Anderson, la chanteuse de la formation suédoise The Knife. Avant ça, on a entendu la pièce Airport Surroundings de l'album Dear John, ça vient du projet suédois Lonely Deer. Très, très bon. C'est les deux vraiment, là, moi, ça m'a vraiment accroché. Oui, c'est très bon. Oui. Je veux en réentendre. Fever Ray, c'est un groupe que j'ai entendu quelques fois, il me semble, dans l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Et de toute façon, on va essayer hein, nous aussi d'aller piger un peu plus souvent dans, ouais. dans ces groupes-là du palmarès électro parce qu'il y a des trucs vraiment très très bons. C'est dommage que ça sorte pas assez de ce palmarès. Oui, et ça sort rarement du vestibule qui est le samedi à 21h où il y a une compilation. D'ailleurs, ça se passe, attention que je vous le dise ici. Il y a deux émissions spéciales rétrospectives 2009. C'est les 26 décembre et 2 janvier au cours desquelles Jean-François Fecteau va jouer une pièce de chacun des 30 albums marqueurs de l'année 2009 en musique électronique en plus de quelques autres pièces de son choix qui l'ont marqué personnellement mais qui sont peut-être pas en lien direct avec la musique électronique. Donc, je vous rappelle les dates 26 décembre 2009 et 2 janvier 2010 dans la case du vestibule. C'est les samedis soir à 21h. Soyez à l'écoute de ça. D'ailleurs, nous, ben, c'est la fin de cette édition des Palmarès Les Fous. On va se quitter avec une pièce qui s'appelle Think of England de l'album Kingdom of Welcome Addiction du projet britannique IMX, le projet de Chris Corner qui faisait partie de Sneaker Pimps. C'est un autre des albums. En fait, c'est une pièce tirée d'un des 30 albums de la rétrospective de 2009 au complet. Donc, on rappelle encore une fois, ce ne sont pas des pièces, mais des albums qui sont dans le palmarès. Et là, on passe des pièces qui viennent de ces albums-là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Tu l'es-tu? C'est clair, mais de toute façon, on peut juste l'écouter puis apprécier aussi. C'est ça le principe, je pense. Ouais. J'avoue, mais le carcan, c'était faux en 2009, dit qu'il faut avoir un ordre dans les choses et de dire les choses comme elles le sont. Ah, excuse. K-1, tu remets en doute mon autorité? Mathieu Plante et sa rigueur incroyable. Ah, j'en ai aucune. Je suis tellement dans le désordre, je me trompe dans mes feuilles. C'est pas la fin. Bref, merci d'avoir été à l'écoute de C'était fou en 2009 pendant ces 4 heures, hein, parce qu'il y a eu 2 heures d'anglophone mercredi et 2 heures de francophone jeudi. Si vous écoutez le vendredi, il n'y a pas de lutin de l'enfer. Hein, vous avez peut-être deviné parce qu'on défonce jusqu'à 21h ce soir. Hein? Bonjour, pas de lutin aujourd'hui. Ils vont être de retour très bientôt, j'en suis sûr, sur l'horaire de C'est fou. Ils sont là une fois de temps en temps, on m'a dit, j'ai entendu la rumeur. Et sinon, sinon, pour ceux qui écoutent en direct les jeudis, ben nous, on revient dans quelques minutes avec l'émission Assemblage Requis. Oui, on va passer du top 50 là, de C'était fou en anglophone dans l'assemblage requis. Donc, restez là. Et nous, on se quitte tout de suite avec IMX et Think of England, qui est encore une fois dans le top électronique. Et on se dit à tout à l'heure ou bye-bye. Time!